Chapitre 2. Derrière le rideau. En pénétrant dans le long couloir sombre de son immeuble, Karim est embarrassé par l'odeur nauséabonde qui s'y trouve presque toujours, malgré le nettoyage hebdomadaire effectué par une femme payée pour ce service. Soudain, il entend, venant de sa droite, un léger bruit. Il se tourne vers ses directions et cherche des yeux. Il remarque un petit rideau de fenêtre, noir, flottant légèrement derrière les barreaux de fer. Quelqu'un, pense Karim, est derrière cette fenêtre, caché par le rideau. Une instinctive onde de peur envahit Karim. Il s'immobilise et observe plus attentivement le rideau de la fenêtre. Ce dernier continue à bouger, bien que de manière à peine perceptible. Est-ce simplement un courant d'air? Karim ne peut s'empêcher de croire plutôt à la présence d'une personne camouflée derrière ce rideau. Karim connaît la famille qui habite dans cet appartement du rez-de-chaussée. L'homme, nommé Miloud, est soudeur de métier, mais chômeur de longue durée, déchu dans l'alcoolisme. De caractère normalement affable, il devient très violent sous l'effet de la boisson. Sa mauvaise humeur se décharge sur son épouse, Aïcha, laquelle supporte. Elle n'a aucune possibilité d'indépendance économique, étant analphabète et sans métier. Plusieurs fois, après avoir été durement battue, Aïcha s'était réfugiée ensanglantée chez la mère de Karim. Le couple a 3 enfants. Zahra, 23 ans, Abdelkader, 21 ans, et Abdelrahman, 17 ans. Une soudaine pulsion pousse Karim à s'approcher du rideau, puis à l'écarter un peu, afin de se rendre compte s'il s'agit d'un courant d'air ou pas. Il se retient. « Je n'aimerais pas me trouver devant le père. Peut-être ivre. » Mal à l'aise, Karim se dirige vers l'escalier portant vers son appartement, situé au 2e étage. En chemin, il se dit « Auparavant, j'avais remarqué ce rideau. Jamais il ne m'avait semblé le voir bouger. Étrange. »